Lille Transport, bonjour. Bonjour madame. Je vous appelle pour la nuit du samedi 5 septembre. Ah oui, la nuit de la braderie. Oui. Pour le retour, je fais comment? Il y a des métros la nuit? Non, il n'y a pas de métro. Mais le service des bus continue. Les bus 1 et 12 roulent toute la nuit. Ah, et le bus 18, il roule jusqu'à quelle heure? Le 18, jusqu'à minuit, monsieur. D'accord. La ligne 2, c'est jusqu'à minuit aussi? Non, la ligne 2 fonctionne jusqu'à 4 heures. Très bien. Merci, madame. Au revoir.